allons chanter avec l'ensemble. Nous allons chanter avec l'ensemble. Je vis, en toi je marche, en toi j'ai mon être, car tu as choisi de descendre pour t'exposer aux hommes, afin que Christ en moi soit l'espérance et la gloire. Tu as choisi, Seigneur, de descendre sur la terre pour rendre possible la vie, pour rendre possible la réconciliation avec le Père. Tu as rendu possible, ô Dieu, les sources d'eau de la vie. Tu as rendu possible, ô Seigneur Dieu, le déploiement de la grâce de Dieu. Et ce matin, mon Dieu, nous bénissons ton nom et nous te célébrons. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est ton rocher si ce n'est notre Dieu? C'est toi qui nous sers de force. Tu nous délivres de nos ennemis puissants. Tu exerces nos mains à la bataille. Tu traces un chemin devant nous. Tu nous montres la voie à suivre, afin que nous puissions pas rater ta gloire. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Père. Je t'aime, Jésus. Takushukuru namunagani. Takushukuru namunaganiwe. Takushukuru namunaganiye. Oe, oe, namunagani. Mungu wangu mie. Thank you. Comment te le dire, Seigneur? Comment te célébrer, Seigneur? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est semblable à toi, Yahweh? Du haut de ton trône, tu diriges l'univers. Et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Viens aussi, Seigneur, au milieu de ce peuple. Viens aussi au milieu de nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Nos alléluia sont à toi. Nos alléluia sont à toi. C'est vrai. Nos alléluia, nos alléluia sont à toi. Nos alléluia, nos alléluia, nos alléluia sont à toi. Nos alléluia, nos alléluia sont. Nos alléluia, nos alléluia, sont à toi. Nos alléluia, nos alléluia, sont à toi. Tu le péris, tu le péris, tu le péris, tu le péris, tu le péris. Shaya Kerim. What's the Shekarabasa. Upi power, upi power. Akarabash. Upi power. Ekarobosh. Upi power. Tu es digne, Seigneur. Upi power. Tu peux le dire dans ta langue, de tout ton cœur, dis-le dans ta langue. Dans ta langue, où t'olé, dis-le dans ta langue, où t'olé. You are worthy to be praised. You are worthy, Father. You are worthy, oh Lord. You deserve, my God. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Dis-le dans ta langue, dis-le dans ta langue. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Dis-lui ton amour. Dis-lui ton amour. Dis-lui ton amour. Je t'aime, Père. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime. Du fond de ton cœur, dis-lui ton amour. Je t'aime, Dieu. Tu as porté un regard favorable sur ma pauvre personne. Tu as regardé ma misère. Tu m'as tiré de loin. Je t'aime, oh Dieu. Yahweh. Tu mérites mon amour. Nous t'aimons car tu nous as aimés le premier. Nous étions non aimables. Nous étions indignes. Nous étions une bêtise. Mais tu as eu pitié de nous, Seigneur. Le grand roi, le grand Dieu, le grand Dieu, le grand mystère, tu as choisi de venir jusqu'à nous. De sorte que, oh Dieu, tu as redonné un sens à notre vie. Et tu prévois de grandes choses sur notre existence. Mon âme t'adore, adorable mystère, adorable mystère, le mystère caché depuis des siècles. Tu es adorable, adorable, adorable, adorable Dieu, adorable Yahweh, adorable. Tu es adorable, tu es adorable. Comment te le dire, Seigneur? Comment te le dire, Seigneur? Merci pour ta présence. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Va saluer deux personnes à côté de toi et dis-lui, j'aime Jésus. Dis-lui que tu aimes Jésus. Tu ne les convainc pas, dis-lui jusqu'à les convaincre. Convainc-les, convainc-les. Alléluia. Alléluia. Et nous progressons dans cette année de mes progressions dans sa gloire. Ce matin, nous voulons partager sur toujours le portrait d'une vie remplie de la gloire de Dieu. Suite, le portrait d'une vie remplie de la gloire de Dieu. Prenez ce texte. 1 Chroniques, chapitre 17, versets 8 à 10. 2 Chroniques, chapitre 13, versets 1 à 5 et versets 13 à 18. Et puis 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 12. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le dernier texte et nous le lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 12. Merci Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à lire ce texte en te levant? Quelqu'un se lève promptement. On s'élève promptement. Si tu peux lire dans ta Bible, c'est bon, parce que tu peux souligner aussi. Mais quand tu lis à l'écran, tu ne sais pas tirer une longue main pour aller y souligner. Donc, je continue à nous encourager de ne pas laisser nos Bibles à la maison. Venons avec nos Bibles. Amen. On peut y aller. 1, 2, 3. Nous prêchons. On peut, s'il vous plaît, lisons avec conviction. On y va. Nous prêchons. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Arrêtez un peu là d'abord. Dieu, avant les siècles ont commencé quand? Je vous ai dit dans les grâces et sondables, notre Dieu, il est écrit, il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire, avant que le siècle commence, il était déjà. Celui qui est, il est depuis que les siècles ont commencé. Les siècles comptables. Les siècles que nous pouvons appeler le présent. Avant que le siècle commence, Dieu est déjà là. Mais quand les siècles sont là, c'est-à-dire lorsqu'il libère l'existence et que la matière commence et que les choses physiques commencent, les siècles commencent à se compter. Avant les siècles, des choses que Dieu a préparées avant les siècles. Seigneur, tu es un grand planificateur. Tu as planifié avant que le comptage des jours commence que j'aurai de la gloire. Avant les siècles, regardez, tu avais destiné des choses pour notre gloire. Demande au voisin, est-ce que tu es concerné? Qu'est-ce qu'il répond? Tu es concerné? La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Continuons. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, virgule, comme il est écrit, virgule, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aïe. Ce sont des choses. Dites des choses. Des choses. Dites des choses au pluriel. Des choses. Au pluriel. Des choses. Ce sont des choses au pluriel que Dieu a préparées d'avance. Pour ceux qui l'aiment. Demande maintenant au voisin, est-ce que tu l'aimes? Il a répondu quoi? Des choses que Dieu, avant les siècles, a préparées pour ceux qui l'aiment. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Vous avez déjà chanté ça. Il a préparé des choses. Quelles choses? Des choses mystérieuses et cachées, destinées à produire notre gloire, destinées à nous amener dans la gloire, destinées à nous propulser dans la gloire, destinées à nous hisser. À nous hisser dans la gloire. Dites à ton voisin, Dieu prévoit de te hisser. Si mouifagne, de te hisser. De te hisser dans la gloire. Dieu prévoit de me hisser. Il a prévu de nous hisser dans sa gloire. Et cette année de progression, en fait, la progression consiste à nous hisser dans la gloire. nous progressons dans sa gloire. Dans sa gloire. Il a préparé d'avance, avant les siècles. Gloire à Dieu, je suis concerné. Est-ce qu'on est concerné? Il est écrit du Fils de l'homme, mon serviteur montera, il prospérera, il montera très haut, il montera. Dis-lui que tu monteras. C'est où Mouambie, frère. Tu prospéreras, tu monteras très haut. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu ça avant les siècles. Pour la gloire de qui? Pour notre gloire. Écoutez-moi, frère et soeur. Dieu essaye de t'aider à comprendre que mon fils, en fait, j'ai de grandes idées sur toi. Dieu a de grandes idées sur ton existence. Souvent, il y a de la misère dans notre tête. Il y a de la misère dans nos cœurs. Nous sommes incapables de percevoir les prévisions, les perspectives de Dieu. Et nous naviguons dans des misères. Nous naviguons dans la bassesse. Au point que le diable nous propose le péché, nous entrons même dedans. Quelle bêtise! Des choses glorieuses. Et il a répété plusieurs fois. Des choses pour notre gloire. Merci pour ta gloire dans laquelle tu nous fais participer. Merci Dieu. Il est écrit, il a fait de nous des participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire! Des choses qu'il a préparées pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Mais des choses que Dieu a préparées, non seulement pour notre gloire, mais il les a préparées pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. Voilà donc, asseyez-vous, la connexion entre la gloire et nous passe par ce que l'on appelle amour pour Dieu. On a partagé longuement. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous ai appelé mes amis parce que vous connaissez tout ce que le Père m'a enseigné. Ah Seigneur, tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et dans le portrait de la gloire de Dieu dans la vie de son bien-aimé, nous avons pris le dimanche passé le modèle ou le portrait de David, le roi. Quand vous regardez ce David, il est jeune. Il aime Dieu. Il est dans la brousse. Qu'importe le niveau où il se trouve à ce moment-là. Mais il aime Dieu. Son amour le pousse à obéir. Quand tu aimes ta femme, tu obéis à ta femme. Quand tu aimes ton mari, tu obéis à ton mari. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. David obéit, il garde le troupeau. David, il fait tout ce que son père lui demande. Il aime Dieu. Et Dieu lui réserve la gloire, des choses mystérieuses qui ne sont pas venues à l'entendement humain. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendue. Des choses prévues pour notre gloire, des choses, au pluriel, des choses. Et David a commencé par les troupeaux de son père, passant par Goliath. Vous savez, non? Goliath. Et Saül s'étonne. Il dit à son chef de l'armée, il dit, couille à quoi, couille à quoi. Mais de qui ce jeune homme, de qui est-il fils? Saül, tu vois quoi? Je vois quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et à expliquer. Qu'est-ce que tu viens de voir? Il dit, je ne comprends pas. Ce petit n'a jamais fait la guerre. Ce petit, c'est un jeune homme. Je ne comprends pas. Il est fils de qui? Joab dit, vis à jamais, boss, moi aussi je ne sais pas. Mais quand vous ne savez pas, vous l'avez fait venir. Et David avance devant Goliath pour expérimenter des choses mystérieuses. Des choses. Et il fonce avec sa fronde. Et sa fronde avance comme une tête chercheur. Attrape le front de Goliath. Goliath est par terre. Le caillou est dans la tête. Il a une épée qui pèse. C'est suffisant pour couper la tête d'un coup. Il n'y a pas besoin de frotter pour que la tête tombe. C'est un coup quatre. Fini. Tu as pris ça où, David? Il y a des choses que Dieu a préparées pour ma gloire. Tu viens d'où, David? Je viens de la brousse. Il y a des gens qui sont ici, qui viennent de la brousse. Là où tu es né, personne ne connaît. D'ailleurs, ta famille, personne n'a jamais parlé de ça. Vous n'êtes écrit dans aucun document. Tu viens de nulle part. Demain, quelqu'un posera la question, de qui ce jeune homme, de qui ce papa, de qui cette femme vient? Même quand on dira qu'il est fils d'Isaïe, ça sera trop peu de choses. D'être fils d'Isaïe, il ne savait pas que ce jeune homme avait déjà link connecté avec un autre papa. Père signifie source. Ce jeune homme a compris d'où il venait. Ce jeune homme avait déjà connecté avec le Créateur Yahweh. Il a déjà découvert qu'il y a un être, qu'il y a un personnage qui a préparé des choses pour ma gloire. Frère, lorsque tu vas aller répondre à un test d'empoche, vas-y avec cette promesse. Il y a des choses que Dieu a préparées pour moi, mystérieuses. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais des choses mystérieuses, préparées pour ma gloire. Et David abat Goliath. Goliath, tu es où? C'est du sang qui coule. Je ramasse la tête. J'amène au roi Saül. Voilà le gars qui vous a fait passer 40 jours ici, nous, jour et nuit. 40 jours et nuit. Voilà, voilà, voilà votre gars, c'est lui. Allez, prenez. Prenez. Et Saül dit, mais attends. Ce petit vient d'où ça? Moi-même, Saül, je suis formé. Je suis un homme de guerre. Nous courions quand Goliath avançait. Toi, tu as fait comment? Il y a des choses que Dieu a préparées pour ma gloire. David, je suis en train d'expérimenter les choses que Dieu a préparées pour ma gloire. Alléluia. Alléluia. Mais comment, David, tu as pris ça comment? Quel est le secret? Tu as pris quoi en fait? Qu'est-ce que tu as compris, David? Comment tu arrives à ça? Et David nous livre le secret. Quand vous lisez le psaume chapitre 1er, il nous livre le secret. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et quoi? Qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui fait quoi? Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui donne son fruit et dont le feuillage, tout ce qu'il fait, il réussit. Quel est ton secret, David? J'ai appris à m'éloigner du mal et aller m'installer là où la vie passe. Tu passes ta vie où, toi? Tu es en compagnie de qui? Quelles sont les choses dont tu remplis ta tête? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes ce que sont les pensées de notre cœur. Quelles sont les pensées que tu remplis dans ta tête? Quels sont les principes avec lesquels tu fonctionnes? Tu es où en fait? Demande à ton voisin, tu es où en fait? Tu es où? On te trouve où? Si l'Éternel te cherche, il va te trouver où? Sur quel banc? Dans quelle compagnie? La compagnie des moqueurs, la compagnie des impudiques, la compagnie des voleurs, la compagnie des sorciers. Et tu es fier de ton réseau. Nous, on est Illuminati. Nous sommes puissants. Tu peux même gonfler ta voix. Pour que ça, ait, que ça donne de la puissance. Laisse-moi t'annoncer que tu es en train de rater ce qu'il te fallait. Tu rates. Ton Créateur, avant les siècles, a décidé pour ta gloire. Avant les siècles. Il a déjà décidé pour ta gloire. Tu traînes dans l'occultisme, tu traînes dans la bêtise. Tu traînes. Viens à Jésus. Il y a là des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a préparées pour ta gloire. Le diable t'a trompé de t'offrir une gloire. Il n'y a pas de gloire chez le diable. Imaginez la gloire d'un porc. Que l'on gave pour bien les vendre. C'est ça ton cas. L'ennemi est en train de te gaver. Il te donne l'impression de réussite. Il te donne l'impression que ça va. Mais il est en train de te préparer pour aller te chauffer avec lui dans la Géhenne. Et il est écrit, le feu ne s'éteindra point. Il est écrit, vous serez salés de feu, comme on met le sel dans la viande. Ce ne sera pas du feu qui vient de l'extérieur. Ce sera du feu qui entre en toi. Et tu vis avec. J'imagine ces hommes et ces femmes en enfer pour aider Satan à jouir de son feu. Ça a été prévu pour Satan. Pourquoi tu vas aller dans une affaire qui ne te concerne pas? Pendant que Dieu prépare des choses pour ta gloire, tu vas te préparer pour ton malheur éternel. Tu te prépares pour ta misère éternelle. Tu te prépares pour ta condamnation éternelle. Alors que Dieu te prépare pour la gloire. Quel choix tu fais ce matin? Tu es dans quel choix? Qu'est-ce que tu vas faire avant de sortir d'ici? Des choses que Dieu a préparées pour ta gloire. Pour ta gloire. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu as choisi d'aimer qui? Tu aimes les démons? Tu aimes Satan? Est-ce que tu peux chanter à Satan? Tu le mérites. Satan? Parce qu'il a fait quoi? Même le souffle que tu utilises pour chanter cette phrase-là, ce n'est pas Satan qui t'a donné. La langue là-même et les lèvres que tu utilises, ce n'est pas Satan qui t'a donné. La bouche que tu utilises pour manger les gens, ce n'est pas Satan qui t'a donné. Tu es où? Tu es où? J'ai des choses que j'ai préparées pour ta gloire. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera très haut. C'est ce que Dieu envisage. Mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Il montera. C'est-à-dire, il y a une progression. Progression. Mon serviteur progressera dans la gloire. Il progresse dans la gloire. Il monte dans la gloire. Il progresse, mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Mais regardez David. Dans le psaume 18 et le verset 2, David dit, je t'aime Seigneur. Ah, tu as choisi d'être heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et qu'est-ce que tu as récolté? L'Éternel en question s'est engagé avec moi pour être mon rocher. Ma forteresse, mon Dieu. Vous avez vu ça? Je t'aime, Éternel. Ma force. Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Est-ce que tu peux continuer la liste? Je peux te donner une minute? Est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu lui dis ce matin? Je t'aime, Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, les déclarations pareilles n'ont pas de sens dans la bouche d'un être humain s'il n'y a pas d'avance un engagement du Dieu des cieux avec toi. Si Dieu ne s'est pas engagé pour être ton rocher, s'engager pour être ta forteresse, s'engager pour être ton bouclier, ta haute retraite, ton Dieu. Si Dieu ne s'est pas engagé, tu peux bien le chanter dans les cantiques. Tu peux même jouer à la guitare. Je t'aime Seigneur, mon rocher. Ça ne sert à rien. Le processus sur lequel David est entré pour apprendre à monter dans la gloire de Dieu lui permet d'expérimenter l'engagement de Dieu envers lui. Ce matin, hâte-toi. Dieu est disposé de s'engager avec toi aussi. Le temps a sonné. 2020, progression dans la gloire. Dieu est disposé. Dieu est prêt à t'y amener. Chacun d'entre nous, avant que nous soyons, Dieu a préparé notre gloire. Je disais, quand vous lisez Exode chapitre 25 jusqu'à 35, vous trouvez l'histoire du tabernacle. et le tabernacle, Dieu dit à Moïse, construis-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc, tu fais un sanctuaire et le sanctuaire, tu le mets au milieu du camp. Et toutes les tribus se rangent autour du tabernacle. Ils vivent autour du tabernacle. Le fait que la présence du tabernacle est là, le fait que le sanctuaire de Yahweh est au milieu du camp, donne déjà de la gloire à cette population-là. Est-ce que vous êtes là? Je peux vous voir? Il y a déjà de la gloire. La gloire est au milieu du peuple. C'est pour nous tous la gloire. On a tous cotisé. Dieu dit à Moïse, tu leur dis, amenez les offrandes. Et ils amènent de l'or et tout ça. Et ils fabriquent les tabernacles. Et chacun peut se pavaner et dire, dans les tabernacles là, tu as vu l'or là. L'or, on a recouvert l'arche là avec de l'or. C'est l'or que j'avais. Je suis connu là-dedans. D'accord, tu es connu. Mais quel degré de gloire tu es en train de vivre? Tu es à quel niveau? Nous sommes dans les camps. Regardez, on peut dire la gloire de Dieu est à l'arche. Et toi, tu fais partie de l'arche. Tu jouis d'une certaine mesure de la gloire. Mais là, dans les camps, les gens sont dans leurs tentes. Mais dans le tabernacle, il y a aussi des compartiments, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Donc, on peut venir autour du tabernacle et on vient se promener. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre vient. Lui, il entre dans le tabernacle. Il offre son holocauste. Il passe à la cuve des ablutions pour se purifier. Il donne son encens au sacrificateur. Le sacrificateur amène à l'autel des parfums, à la porte du lieu très saint. Et toi, tu es dans ta tente, tu es fier parce que Dieu est dans votre camp. Vous voyez la différence? Dieu est dans votre camp, c'est bon. Mais ton voisin est allé dans les sanctuaires. Et la gloire, le sommet de la gloire dans ce camp descendait au-dessus du propitiatoire. Dieu dit, je vous rencontrerai entre les chérubins, là. Je vous rencontrerai là. Et le souverain sacrificateur va jusque-là. Alléluia. Pour représenter ceux qui sont entrés dans le parvis. Pour apporter les offrandes de ceux qui sont entrés dans le parvis. Et quel est le degré dont tu jouis de la gloire? Tu jouis de la gloire de tout le monde. Gloire de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de chercher ta propre gloire. C'est bon qu'on ait la gloire collective. Mais Dieu prévoit une gloire particulière pour toi aussi. Mais la gloire particulière ne quitte pas le tabernacle pour te trouver dans ta maison. Il faut sortir. Il faut aller au sanctuaire. Il faut aller rencontrer le Dieu de gloire. Il y a des étapes, il y a des principes. David a compris que pour vivre la gloire dont Dieu promet, j'ai besoin de respecter les principes. Je dois rentrer dans les prévisions de Dieu. Dites à ton voisin, il faut entrer dans les principes de Dieu. Vous ne me convainquez pas? le chapitre 18 de Psaume, il est écrit, Psaume de David, lorsque il finit de vaincre ses ennemis et Saül, au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, les déclarations, l'adoration de David est le produit d'une expérimentation. Il a eu un parcours où il expérimente la gloire de Dieu. Il expérimente l'engagement de Dieu envers lui. L'engagement de Dieu. Nous avons vu que la gloire de Dieu dans la vie de son bien-aimé se manifeste par quoi? Sa présence. Et quoi? Sa présence. Et quoi? Sa faveur. Et quoi? Et ses dotations. Et dans cette deuxième facette de la faveur de Dieu, nous avons dit la faveur va se manifester par l'engagement de Dieu, l'alliance avec Dieu et les complicités avec Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu vis, David? Je suis en train de vivre la faveur de Dieu. Dans cette faveur, Dieu est en train de me manifester son engagement envers moi. Et il me fait réussir. Après que il ait délivré de tous mes ennemis, Dieu s'est engagé avec moi pour me délivrer de tous mes ennemis. Me délivrer de tous mes ennemis. Écoutez, frères et sœurs, ce matin, il y a un appel que Dieu te lance. Si tu acceptes d'entrer sur le rail de l'intimité avec Dieu, sur le rail de la gloire de Dieu, tu vas expérimenter l'engagement de Dieu envers toi. Dieu va s'engager avec toi. Dis à ton voisin, le pasteur dit que Dieu va s'engager avec toi. Maintenant, médite, est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dieu va s'engager avec toi? Tu peux acclamer le Seigneur si c'est vrai. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas possible d'accéder au sommet de la gloire si Dieu ne s'est pas engagé avec toi. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu s'engage. Il faut que Dieu s'engage. Et Dieu est engagé avec David. De telle manière que David expérimente les choses que l'oreille n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu, qui ne sont pas venues à l'entendement de l'homme. David, un homme fort, puissant. Pourquoi Dieu est simplement engagé avec lui? Quand vous voyez les vaillants hommes de David, il est écrit, tel, il brandit sa lance sur 800 personnes et les tua. 800? Hein? 800? Je peux lancer ma lance sur 800? Il y a 800 ici? 800? Et la lance fait comment? Elle navigue rangée par rangée? Et si les gens sont parsemés, ça veut dire que la lance fait comment? La lance va à gauche et à droite, au nord et au sud. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas une main mystérieuse. S'il n'y a pas une main mystérieuse qui est en train de téléguider la chose. Or, c'est de ça que nous avons besoin, mes frères. N'est-ce pas que tu as besoin que Dieu s'ingère dans les affaires de ta famille de manière mystérieuse? Il y a des calculs que tu as faits, des calculs qui ont échoué. Dans ton foyer, il y a des calculs que tu prévois de faire. Mais il suffit que Dieu s'engage avec toi et c'est réglé. Mais Dieu s'engage avec qui? Avec ceux qui l'aiment. Est-ce que tu peux analyser la nature de ton amour pour Dieu? La dimension de ton amour pour Dieu? La qualité de ton amour pour Dieu? Ça ressemble à quoi ton amour pour Dieu? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Et Jésus vint auprès de Pierre et lui posa la question: Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit: oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Ah, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il dit: ok. Paix mes agneaux. Et puis il lui dit: il viendra un temps. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais maintenant, tu vas grandir. Quelqu'un d'autre te scindra et il t'amènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Quel est le degré de ton amour? Et qu'est-ce que Pierre n'a pas expérimenté avec ses dieux dans la gloire? Alléluia. Les mouchoirs qui touchaient Pierre vont guérir les malades. Ah ah. Mouchoirs. Les choses inanimées. Saint-Esprit, tu commences à remplir les mouchoirs. Les hommes ici demandent que tu les remplisses, tu ne les remplis pas. Tu remplis les mouchoirs. Pour que les mouchoirs aient fait le ministère. Et que les mouchoirs chassent les démons. Les mouchoirs guérissent les malades. Les mouchoirs qui ont touché un monsieur. La gloire dans la vie de Paul, l'ombre de Paul. Paul, tu passes et ton ombre guérit les gens. L'ombre, le soleil de l'autre côté, et l'ombre touche un malade, il est guéri. Au point qu'un jour à Malte, Paul dit: personne ne mourra dans ce bateau. Le Dieu que je sers m'a dit que personne ne va mourir. Tout le monde pleurait dans la barque. Nous sommes en train de finir. On est foutus. Yeah, depuis des jours, nous sommes morts. Pierre, Paul leur dit: calmez-vous. Il y a un Dieu que je sers. En fait, il y a un Dieu qui est engagé avec moi. Nous sommes dans la détresse maintenant, mais calmez-vous. Il faut que cette année, tu sois capable de dire à quelqu'un: calmez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé avec moi. Calmez-vous. Oh, la crise est arrivée, il y a des complications, il y a des choses difficiles. Oui, les choses difficiles arriveront. Mais si tu as obtenu l'engagement du Dieu des cieux, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, qu'est-ce qui est prévu selon la loi de Dieu? Tu ne seras pas atteint. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, Ésaïe 43, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je serai avec lui. Est-ce que tu l'aimes? Puisqu'il m'aime, je serai engagé avec lui. Puisqu'il m'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Dieu, je t'aime. Et quand Dieu est engagé avec toi, Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 21, il peut faire. par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que tu penses et tu demandes. Parce qu'il t'aime et parce qu'il s'engage avec toi, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous nous demandons et de tout ce que nous pensons. Alléluia. Alléluia. Et dans 1 Chronique où nous avons lu, chapitre 17, versets 8 à 10, regardez ce que Dieu dit à David. Nous parlons du portrait de la gloire de Dieu dans la vie de son bien-aimé. Regardez ceci. Dieu dit à David, « J'ai été avec toi partout où tu as marché. » C'est-à-dire, « Je me suis engagé de t'offrir ma présence. » J'ai été avec toi. La gloire passe par la présence de Dieu. Et il ajoute, « J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. » Je t'ai engagé, je t'ai donné la faveur dans mon engagement avec toi, qu'aucun ennemi ne subsistera devant toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, y a-t-il des ennemis qui sont engagés contre toi? Il y en a. Dieu t'annonce que il va exterminer ses ennemis. Ennemi maladie, ennemi sorcellerie, ennemi fétichisme, fétiche, moulongué, MPC. Vous voyez ça? MPC, Mutupia MPC. Ennemi quoi? Ennemi célibat, ennemi misère, ennemi. Dieu dit, je vais exterminer tes ennemis. Pourquoi? Parce que quel est le rôle des ennemis? Le rôle des ennemis, c'est de nous empêcher de venir dans la gloire. Alors, quand Dieu s'engage avec nous, il faut qu'il enlève ses ennemis pour que nous puissions avoir notre montée puissante, avancée, irrésistible. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé avec nous. On est irrésistible et nous montons dans les sommités de la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu trouves que tu es concerné ce matin? Qui sent déjà qu'il commence à être concerné? On peut acclamer le Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dieu dit à David, j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Que Dieu le fasse pour toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands. Est-ce qu'il y a des grands que tu connais? Dieu est capable de t'amener, de te confectionner, de te fabriquer pour t'amener, t'élever à cette dimension des grands que tu connais. Pourquoi? Ce sont des mystères avant que les siècles commencent. Quel est le problème alors? Pourquoi nous sommes tellement misérables? Parce que nous n'avons pas découvert les secrets que David a découverts. Dieu dit de David, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Oh Seigneur, est-ce que mon cœur aussi ressemble à celui de David? Est-ce que j'ai compris ce que David a compris? Homme selon mon cœur, homme qui m'aime, homme qui a compris mes principes. Homme qui a compris mes secrets. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Alléluia. Au verset 10, Dieu dit à David, j'ai humilié tous tes ennemis. Wow. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Non seulement j'ai combattu pour toi, dans mon engagement avec toi, j'ai combattu pour toi, mais je suis aussi prêt à te donner des choses physiques qui durent pour l'éternité. Il dit, je vais te bâtir une maison qui ne finira pas. Ah. Dieu, tu peux amener quelqu'un jusque là? Il dit oui, oui. Oui, oui. Dieu, 2020, tu peux faire ça avec moi? Il dit oui, oui, oui. Oui. Seigneur, tu peux commencer par quoi? Il dit, mais tu m'aimes, commence par m'aimer. Et comment tu aimes Dieu? Aime-moi. Aime-moi. Ma fille, aime-moi. Mon fils, aime-moi. Tu vas voir. Je vais m'engager avec toi. Et je vais te hisser dans la gloire. Te hisser. Et dans 2 Chroniques, chapitre 13, versets 1 à 5. Et le verset 13 à 18. 2 Chroniques, chapitre 13. On va terminer par là. Est-ce que tu peux te lever? On va lire cela ensemble. 2 Chroniques, chapitre 13, versets 1 à 5. Il s'agit d'un roi, le roi de Juda, le royaume du sud, et d'un autre roi, Jéroboam, le roi du nord d'Israël, qui dirige les 10 tribus d'Israël, Jéroboam. Depuis que Salomon est mort, le pays a été divisé. Et Roboam est resté avec deux tribus au sud. Jéroboam est parti avec 10 tribus, ce qui a constitué le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël. Mais qu'est-ce qui arrive? Roboam est mort et il s'est fait succéder par son fils Abija. La 18e année du règne de Jéroboam. Et cette année-là, Jéroboam veut attaquer le roi Abija, c'est-à-dire le grand pays veut attaquer le petit pays. Regardez les statistiques au verset 3-4. Il est écrit, Jéroboam se leva avec 800 000 hommes de guerre. Vous avez vu ça? 800 000 hommes d'élite, vaillants, guerriers. Ouh. Si un pays a 800 000 là, ça peut faire bien. Oh Congo. Hommes d'élite, guerriers, vaillants guerriers. Mais il vient en guerre contre Abija. Je suppose qu'il est encore jeune, Abija. Il n'a pas d'expérience. Et Abija a combien? 400 000. Abija, il a 400 000 hommes d'élite. 400 000. Mais écoutez ce que Abija prononce de sa bouche. Verset 5. Bwana sifiwe. Abija dit à Jéroboam, tu es très fort, c'est vrai. Tu as 800 000, c'est vrai. J'ai 400 000, c'est vrai. Mais ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné... On peut lire ça ensemble, s'il vous plaît. 5. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Ouh! Une alliance inviolable. Jéroboam panda ushuke. Nous, fils de David. Jéroboam n'est pas fils de David. Il était parmi les serviteurs, les vaillants. Il ne descend pas de David. Abija reconnaît que nous, on sort de David. Abija, après les erreurs de son père, a compris que moi là, je veux retourner dans le manteau de David. Dans les principes de David. Je retourne dans l'esprit de David. Et quand je me reconnecte avec David, je me reconnecte avec les promesses de l'alliance inviolable. Jéroboam, tu commets une bêtise. Une bêtise avec 800 000. Le verset suivant dit que Jéroboam commence la guerre. Il fait un contour. Il a tellement d'hommes. Il entoure le petit Judas. Il entoure cette armée de 400. Il intervient. Verset 15. Allez-y ensemble. Les hommes de Judas, on y va. Verset 15. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Judas, alléluia, l'Éternel fit quoi? Frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija. C'est-à-dire 800 000 contre 400 000, 800 000 sont en détresse. Ils sont en détresse devant Abija et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuirent, c'est-à-dire les enfants de Jéroboam. Il s'enfuit devant Judas et Dieu le livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver. C'est ma bien éprouver. Il le fit sentir. Il lui fit éprouver. Quoi? Une grande défaite. Éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite. Tout. Tombèrent morts parmi ceux. 500 000. Nous, on est 400 000. Vous, vous êtes 800 000. Et nous, on a descendu 500 000. Pourquoi? Parce que l'engagement de Dieu avec nous a fonctionné. Que l'engagement de Dieu avec toi fonctionne cette année. Que l'engagement de Dieu fonctionne avec toi. Frères et sœurs, quand l'engagement de Dieu fonctionne avec toi, tu vas vivre les mystères que Dieu a préparés pour ta gloire. Les mystères que Dieu a préparés pour... Lève-nous nos mains, commençons à prier, frères et sœurs. Est-ce que tu l'aimes? Parle à Dieu. Seigneur, je veux ton engagement. Quelqu'un parle au Seigneur. Seigneur, je demande ton engagement. Seigneur, je veux ton engagement. Ce matin, je veux m'engager. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. Si c'est par là que tu passes, si c'est par là que tu passes pour amener les gens dans la gloire, je veux t'aimer, Seigneur. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux expérimenter ton engagement. Engage-toi avec moi, oh Dieu. Quelqu'un parle au Seigneur, s'il vous plaît. Quelqu'un parle au Seigneur. Je veux ton engagement, Yahweh. Je veux ton engagement. Je veux le vivre comme David. Seigneur, je veux le vivre. Que les écarts de mes yeux tombent. Que je te vois et que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Quelqu'un parle à Dieu? Et la terre se vise pour. Quelqu'un parle à Dieu? Quelqu'un parle à Dieu? Je veux ta gloire. Je veux être hissé. Seigneur, hisse-moi. Que je cesse de croire à la terre des illusions. Que j'apprends que la nuit. Chantons ensemble, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent. Pour que je te vois ce que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la terre des illusions. Que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Que tout ce que l'on tue ici Dieu ensemble. Dites avec moi, Seigneur mon Dieu, merci. Parce qu'avant les siècles, tu as préconisé de m'amener dans ta gloire. Et cette année, tu as décrété de me faire progresser dans ta gloire. Ce matin, touche mon cœur pour que je t'aime. Touche mon cœur. Brise mon cœur. Touche-moi. Je veux t'aimer plus que tout. Je veux me donner à toi. Comme ta gloire est prévue pour ceux qui t'aiment, je veux être de ceux qui t'aiment. Je m'engage à t'aimer. Je vais développer mon amour pour toi. Et de ta part, Seigneur, engage-toi aussi envers moi et amène-moi. Amène-moi. Amène-moi. Hisse-moi dans les hauteurs de ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent, pour que je sache que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Que la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Mes yeux que je vois et ton âme qui m'entoure. Je sache à la fin des illusions que la forme la nuit. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit que toi. Tellement grand, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand, tu es plus grand que les morts te disent. Acclamation, c'est Dieu.